père. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Abou Bretman et je vais vous raconter l'histoire qui fait un petit peu peur, mais heureusement, il y a des proutes dedans. Tom était dans les bois. Tom s'appelait en vrai Tomichon. Il avait ramassé des feuilles mortes, des jolies, de toutes les couleurs. Il aimait la forêt, les animaux, il aimait l'odeur de la nature. Il levait la tête et regardait la cime des arbres qui se découpaient sur le ciel clair. Il regardait les oiseaux, il les écoutait chanter. Le nez vers le ciel, il se mit à tourner sur lui-même, les bras écartés en criant « Wow !» Il tournait, tournait longtemps, quand tout à coup, une petite voix lui dit « Tom, qu'est-ce que tu fais, Tom? Est-ce que t'es fou? Si tu tournes comme ça, comme une toupie, tu vas finir par perdre l'équilibre et tomber par terre. » Tom s'arrêta net pour voir d'où venait la voix. Mais effectivement, il était un peu étourdi et il perdit l'équilibre et tomba sur les feuilles mortes. Il avait la tête qui tourne. La petite voix se mit à rire. Tom n'était pas content qu'on se moque de lui. Et il dit « Mais t'es qui, toi ?» T'es tombé. Non, je suis pas tombé. J'ai fait exprès de me mettre par terre parce que j'adore les feuilles mortes. Regarde, je me roule dedans. T'es qui? Montre-toi. Mais la petite voix arrêta de parler et de rire. Et Tom ne trouva personne autour de lui. Il n'y avait que les arbres, les feuilles, les oiseaux et le vent. Il se dit qu'il avait peut-être rêvé et il se releva. Il était parti se promener en forêt, une forêt tout près de sa maison, une forêt qui ne faisait pas peur, parce qu'il la connaissait, cette forêt, et que ça sentait bon les premiers jours d'automne, parce qu'il connaissait chaque arbre, chaque souche, il savait où étaient les oiseaux, à quelle heure ils chantaient. Tom se dit quand même qu'il fallait qu'il rentre à la maison. Il chercha encore un peu d'où venait la petite voix, mais ne l'entendant plus, il se mit en route. Il arriva sur le chemin qui le menait vers sa maison qu'il pouvait apercevoir au loin. Mais là, sans qu'il comprît pourquoi, la nuit s'était mise à tomber tout à coup, beaucoup trop vite. Et les oiseaux s'étaient arrêtés de chanter. Oh, il se sentait un peu bizarre, un peu comme dans un rêve. Et il se dit, est-ce que c'est parce que je me suis étourdie à trop tourner comme ça sur moi-même? Ah oui, oui, ça devait être ça. Tom haussa les épaules et se dit qu'il n'avait pas peur et que la nuit était tombée peut-être un peu plus vite que d'habitude parce que maintenant on était en automne et que les soirées étaient beaucoup plus courtes que l'été quand on peut rester longtemps dehors le soir et que le jour dure longtemps, longtemps et qu'on peut même voir la lune en plein jour. Pourtant, quelque chose était étrange sur le chemin. Les arbres semblaient plus sombres que d'habitude, le vent était plus froid que d'habitude. Alors, il se mit à chanter pour se donner du courage. Quand il avait un peu peur, il chantait. Toujours la même chanson. Il s'était aperçu que ça lui faisait du bien, qu'il se sentait plus fort. Quand je suis seul dans la forêt, je chante ma chanson secrète. Je n'ai plus peur, ça me permet de ne plus penser aux vilaines bêtes. Soudain, une petite lumière verte apparut au loin, là-bas derrière les arbres. C'était une lumière qui venait de nulle part. Elle était très spéciale, d'un vert fluo, et elle bougeait, elle oscillait, elle frémissait. Elle était comme une tache qui grandit et rapetisse. Parfois, elle disparaissait presque totalement. Elle était là-bas, loin, derrière les troncs d'arbres, et semblait flotter entre ciel et terre. Tout à coup, la petite voix se remit à parler, mais cette fois-ci, elle n'était pas seule. Il y avait avec elle plein d'autres petites voix et plein d'autres petits rires qui semblait provenir de la lumière verte. Les rires étaient à la fois sympathiques et un peu effrayants. On aurait dit que c'était plein de fois le même rire enregistré et qui recommençait et qui recommençait et qui recommençait. Ça faisait un petit peu... Et Tom ne trouvait pas ça drôle du tout. Il commença à accélérer le pas. Il voulait vite rentrer chez lui et il ne voulait plus être sur le chemin sombre et il ne voulait plus être dans la forêt noire et il ne voulait plus entendre ces petites voix bizarres qui venaient de cette lumière verte. Puis, les petites voix se mirent à l'appeler. Tom, Tom, Tom ? Mais Tom, maintenant, commençait à avoir peur. Pourtant, sa maison était là-bas, elle n'était pas très loin. Mais il avait l'impression que plus il s'avançait, plus le chemin s'allongeait et il avait l'impression de faire du surplace. Il se mit à courir, mais il courait sur place et le chemin s'allongeait et la maison devenait de plus en plus loin, de plus en plus petite. Et les voix riaient. Laissez-moi tranquille. Tom ? Laissez-moi tranquille, je vous dis. Taisez-vous. Tom courait, il avait très peur. Maintenant, il voulait être chez lui. Il voulait être dans sa maison, au chaud, à l'abri. Tu veux venir avec nous ? Non, je rentre chez moi. Mais tu n'arriveras pas chez toi. Si, je fais ce que je veux. Et si vous continuez, je vous donne un coup de poing sur le nez. Arrêtez de rire comme ça m'énerve. Je vais venir vous donner des coups de pied et un coup de poing sur le nez. Mais Tom, on n'a pas de nez. Alors un coup de pied aux fesses. Mais Tom, on n'a pas de fesses. Un coup de poing dans le ventre. Mais Tom, on n'a pas de ventre. Ah bon ? On n'a pas de corps, Tom. Mais ça, c'est pas possible. Viens par là, tu verras. Non, je veux aller dans ma maison. Quelle maison ? Et là, quand Tom leva les yeux, la maison avait disparu. Il y avait bien le chemin qui s'allongeait dans la forêt, loin, loin, mais au bout du chemin, plus de maison, rien. Maintenant, il faisait froid. Aucun oiseau ne chantait, aucun vent ne faisait bruisser les feuilles des arbres. Tom entendait son cœur qui battait vite. Il sentit qu'il avait envie de pleurer, mais il se dit que ça ne servirait à rien. Il se dit qu'il fallait qu'il trouve une solution. Tout ça était vraiment bizarre. Tom sentit son ventre gargouiller très fort. Tom ? Les petites voix revenaient à la charge. Tom avait très, très mal au ventre. Tom ? Qu'est-ce que ça sent ? Quoi ? Pardon, mais j'ai tellement peur, j'ai tellement mal au ventre que j'ai fait un prout. On n'a pas entendu, malheureusement, cette odeur est atroce. Pardon, j'ai peur. Oh, pardon, là aussi j'ai fait un petit prout. Mais c'est horrible, Tom. Ça sent extrêmement mauvais, ton prout. Je suis désolée. Ça pue. Oh, t'as les fesses pourries. Tom ne pouvait plus se retenir. Il se mit à faire tellement de prout, mais tellement, que les petites voix commencèrent à crier. Arrête, c'est horrible. On ne supporte pas les proutes, c'est la seule chose qui nous fasse peur. Tom comprit qu'il allait devoir faire un maximum de proutes pour tuer ces méchants esprits de la forêt. Il prit sa respiration et balança des centaines de proutes, des gros, des petits, des longs, des forts, des bizarres. Et il vit la forêt s'éclaircir et il entendit les voix s'éloigner. Pitié, pitié! Mais il continua. Et il vit alors sa maison là-bas. Il lâcha un dernier prout énorme. Et la lumière revint et les oiseaux se mirent à chanter et il entendit sa maman qui criait « Tu viens manger, mon Tomichon d'amour ?» Tom courut vers sa maison, fou de joie. Juste, il était un peu triste car il savait que personne ne croirait jamais à son histoire, à part vous. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit, sans prout. Non, une autre.